Zojan, Zojan, kuga sozi kakure. Sabi mani sumba vyo sindemeshe. Meren habandi ngirindu nunirungu. Inchuti nikindi irahumuriza. Inchuti nikindi irahumuriza. Il y a beaucoup de chanteurs burundais. La plupart sont une nouvelle génération qui ne connaissent vraiment pas grand-chose sur la musique. Est-ce que vous ne trouvez pas que peut-être ils ne viennent pas s'inscrire pour étudier la musique parce qu'elle ne rapporte pas la musique burundaise? La musique burundaise pourrait rapporter, s'ils le voulaient, je dis bien ces jeunes musiciens. Ils préfèrent travailler en désordre. Ils préfèrent se lancer comme aventuriers. Et c'est cela qui tue le développement de la musique burundaise. Bien sûr, il y a quelques années, nous parlions du problème des droits d'auteur. Je crois qu'il est résolu à 30% parce qu'on a créé un bureau des droits d'auteur au Burundi. Il est fonctionnel et les chanteurs sont invités à aller enregistrer leurs œuvres là-bas. Mais le problème que ce bureau n'a pas encore fait, c'est de savoir comment percevoir et distribuer les redevances. Les radios, les boîtes de nuit, les hôtels, les karaokés continuent d'exploiter les musiciens, vous voyez, et sans payer. Et un musicien va préférer aller dans un karaoké où à la sortie on lui paye 20 000 ou 30 000 francs au lieu d'aller déposer son œuvre à l'OBDA, l'Office burundais des droits d'auteur, et attendre des années sans savoir comment cela se passera. Il n'y a aucun musicien qui a jamais été régularisé. Alors, bien, gloire à Dieu, l'OBDA est là, mais il faut que nous avancions. Actuellement, vous voyez avec les petits problèmes de l'amicale des musiciens qui se divisent, ils se déchirent, au lieu de se mettre ensemble pour arriver à quelque chose, pour défendre leurs propres intérêts. Ils sont là en train de se déchirer à cause de petites choses là et trucs. Hein? Nous avons une mentalité encore basse, une mentalité que j'appelle primitive. Quelle serait la solution? La solution pour l'amicale. Non mais une seule amicale comme elle a été fondée par Ngaboléons, je crois qu'il serait le mieux indiqué pour parler de l'amicale. Il en est le fondateur. Alors, quand il a fondé, j'étais là, j'ai vu l'évolution de l'amicale, mais il ne pouvait rien faire sans un bureau de droit d'auteur au Burundi. Alors, on a eu ce bureau depuis 2011, les décrets sont sortis, les lois sont sorties. Maintenant, il faut passer à l'organisation. Dans mon livre que j'ai écrit, De l'Inanga à la guitare classique, j'ai parlé du point de l'amicale. Et j'ai mentionné certaines recommandations importantes, notamment doter l'amicale d'avocats, doter l'amicale d'une police de contrôle de tous ces fauteurs, vous voyez, hein? Laisser l'amicale s'organiser, mais surtout donner à l'amicale des gens qui ont de la tête. Vous allez me prendre n'importe qui, parce qu'il est musicien, parce qu'il a chanté telle chose, parce qu'il a du succès, vous le placez à la tête de l'amicale. Mais non! Mettez à la tête de l'amicale quelqu'un qui a fait la musicologie et vous allez voir, il va vous changer. Revenons sur les prix que vous avez lancés. Pourquoi ces trois personnalités? Pourquoi ces prix? Et quelle est l'idée derrière cette initiative? Très bien, je m'attendais à cette question de la part de la presse. Au vu de la problématique qui se pose au sein de la musique burundaise moderne, c'est plein de plaintes partout. Du côté de la presse, du côté des amis de la musique burundaise, du côté de ceux qui veulent un développement de la musique burundaise, il y a partout des plaintes. On dit le Burundi n'a pas de musique. Justement, j'en conviens, en tant que musicologue formé pour ça, et je suis allé me faire former en musicologie justement pour apporter des solutions. Alors j'ai des solutions pleines là. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire? La musique burundaise, depuis notre sortie, nous les premiers orchestres qui avions travaillé là-dessus, puisque avant l'Orchestre National et l'Orchestre Amabano en 1977, avant nous, il n'y avait pas eu d'orchestre comme tel, sauf un groupe qui avait commencé à Buyenzi en 1963, qu'on appelait Vox Burundi, qui a chanté le premier Kayenga Yenge Kumugore. Et on a eu aussi des groupes musulmans, Shani Musical Club, on a aussi eu Jasmine, on a eu Rumonge Jazz, c'était des groupes qui développaient la musique là-bas. Tout cela est écrit dans mon livre. Alors, depuis que les pionniers, je les appelle des pionniers, de la musique burundaise moderne ont disparu, je dis la plupart. Nikiza David n'est plus, Chanjo n'est plus, Kirundo Gerard n'est plus, Adolphe Bigirimana n'est plus, etc., etc. Alors, les têtes sont parties. Peut-être Dieu m'a gardé pour que je puisse être témoin de ce qui a été fait et pour que je puisse passer le bâton de relais à la nouvelle génération. La manière dont nous faisions les recherches pour développer notre musique, je ne la vois pas aujourd'hui. Les jeunes musiciens aujourd'hui que vous avez sur Bujumbura, ils sont là, dans le bus, Kamengeville, Kinamaville, Umutakuraville, Ngagaraville. Ils croient qu'ils auront l'inspiration que nous avions en restant là-bas. Nous, on travaillait à l'intérieur du pays. Nous faisions des recherches à l'intérieur du pays, dans la campagne, auprès des vieillards, auprès des musiciens traditionnels qui jouaient les instruments traditionnels. Nous allions dans la campagne pour recueillir les imzino, etc. et apprendre les rythmes, etc. Alors, les jeunes musiciens d'aujourd'hui ne font pas ce travail. Ils écoutent, Yoya vient de chanter ça. Moi aussi, je vais l'imiter, hein, pour le surpasser, pour avoir du succès. Et Farias vient de faire ça. Papa, papa. La faute est qu'ils ne savent pas que la musique burundaise a une identité. Cette identité, nous la cherchons au sein de la culture burundaise même, pas en dehors. C'est pourquoi, les moyens le permettant, un jour, je dis bien un jour, on pourrait leur donner des ateliers ainsi de suite comme on avait voulu le faire en 2015, ça n'a pas eu lieu, et leur montrer comment les autres ont fait. Nous devons apprendre par l'expérience des autres, par l'expérience de Manu Dibango, qui crée le Makossa, le sound Makossa, à partir de la danse Makossa, une danse traditionnelle de la région de Douala au Cameroun. Alors, il en fait une musique à laquelle il ajoute un peu de jazz, il la développe avec du funk et elle devient une musique très appréciée dans le monde entier jusqu'à ce que le grand Michael Jackson triche quelque chose de lui. Vous voyez ? Et qu'il en paye le prix. Ouais. Nous avons d'autres. C'est ce que fait. J'aime toujours citer ces exemples, mais les journalistes culturels à Bujumbura n'ont jamais insisté là-dessus pour montrer à nos musiciens comment il faut évoluer. Youssoundou fait un tel travail, il a réussi. Il a développé le mbalax du Sénégal, qui est une musique populaire du Sénégal. Mais maintenant, c'est une musique internationale qui est vendue, qui lui a donné du succès, et d'autres musiciens sénégalais suivent. J'ai cité d'autres au début, j'ai cité Mori Kanté en Guinée, j'ai cité Salif Keita au Mali. Tous, ils font une synergie pour donner à la musique africaine sa valeur. Ce sont eux, les grands, qui nous représentent sur les scènes de l'Olympia de Paris et partout à New York, aux États-Unis. La musique qu'ils ont faite, elle est super. Alors, si nous revenons à David Nikiza, qui a fait Tamba Mayaya Burundi. Owe. Ina Mayaya Burundi. Owe. Tamba Mayaya Uraberewe. Owe. J'aime donner cet exemple parce que David s'est inspiré de l'afrobeat du grand Nigérian Fela Kuti, qui n'est plus créateur de l'afrobeat. Alors, à partir de là, il voulait s'y appuyer pour développer une musique burundaise moderne. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des Européens, des Américains qui me téléphonent, qui demandent comment ils peuvent exploiter cela. Alors, exploiter cela, ce n'est qu'une seule chanson ou deux avec Chorezinyang. Chorezinyang. comment avoir d'autres chansons qui vont dans ce sens? Il faut lancer un prix, David Nikiza, et encourager les jeunes artistes qui pourront travailler comme lui, faire la recherche comme lui. S'ils ne le savent pas, je leur ferai faire un séminaire pour leur montrer, faire une analyse musicale et leur montrer les éléments sur lesquels David s'est appuyé pour produire ces chansons-là. Ce sont des chansons qui ont été très aimées, même dans le monde entier. Alors, lancer un prix va aussi donner à nos artistes de travailler avec une vision. Aujourd'hui, où ils vous tapent n'importe quoi. Oui, n'importe quoi. Ils vous apportent des hip-hop, high life, bongo flava, du n'importe quoi. Tout ce qui tombe dans leurs oreilles qui vient du Nigeria, qui vient de Tanzanie, d'Afrique du Sud. Brrr. Ils disent qu'ils font la musique burundaise parce qu'ils chantent un peu Kirundi encore. Alors, j'ai aussi, mon groupe de sélection, on a choisi Chanjo Amisi. Chanjo Amisi qui fut mon collègue à l'Orchestre National, je le connais très bien, je sais comment il a travaillé. Et j'étais dans le jury qu'il avait primé avec Nachi Changirungu en 1977. Cette chanson, elle est épatante, elle est inspirante, hein? Elle nous emporte. C'est un style de musique traditionnelle que nous appelons Ibitito. Ok? Et il vous parle, il vous donne l'histoire et puis il chante. Il vous donne l'histoire, puis il chante. Lui, il a mis tout ça en musique. C'est plein de Ibitito dans le pays. C'est plein de cette musique dans le pays. Nous voulons que d'autres développent. Et qu'ils viennent, nous leur montrons les pistes de moderniser ça sans altérer cette musique. D'accord. En parlant de Nachi Changirungu, il y a un certain Thierry Tidjania qui vient de sortir une chanson remix. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Bon, je n'ai pas rencontré cette personne. J'ai entendu cette chanson. Comment vous la trouvez? Je crois qu'il devrait venir qu'on lui donne quelques notions de l'ethnomusicologie. Okay? Okay? Même la mienne, il y a une de mes chansons qu'on a reprise en 2005. Zojan Zojo Kuga Sozi. Zojan Zojo Kuga Sozi Kakure. Mani sumba piosinde meche. On l'a reprise, on l'a déformée. Vous savez. On vous a consulté au moins un minimum. Non, moi je l'ai appris par Radio Isanganiro, hein, qui m'a téléphoné, a dit bon, on a repris votre chanson, qu'en dites-vous? Moi j'ai donné des félicitations à ce jeune musicien. Je ne peux pas aller me battre avec un enfant qui est en train d'essayer quand même de se relever, de prendre un niveau dans la musique nationale. Je l'ai félicité, je l'ai encouragé et qu'il se tranquillise. Alors, vous voyez, ils font des erreurs parce qu'ils n'ont pas appris l'ethnomusicologie, parce qu'ils n'ont pas appris à partir de l'expérience des autres. Manu Dibango a développé le Marcosa, il en a fait le soul Marcosa. Il a mis ses condiments de la musique européenne, le funk, il a mis le jazz qui est un mariage de la musique noire et européenne. Et il a créé le soul Marcosa. Mais cette musique reste camerounaise. C'est l'identité du Cameroun. Hein? Alors, c'est ce que nous cherchons ici chez nous. Chanjo a remporté un grand prix international qu'on appelait Découverte 81, c'est le premier Murundi, et il a chanté une chanson, une épopée guerrière de l'ancien temps. Sokuru yari noir, aïmamiwe, aïmamiwe, aïmamiwe. Aïmamiwe, aïmamiwe, aïmamiwe, aïmamiwe. Mami we so kuri yari nwara imami we nwari murugamba. Ok. Alors, cette chanson et la façon dont il l'a joué sur la guitare, et ça a épaté le jury de découverte. Et Manu Dibango lui-même, lorsqu'il est venu au Burundi en 82, il cherchait à voir ce... Lui, il l'appelait Kanjo. Hein? Il voulait voir Kanjo. Vous comprenez? Donc, notre musique a une voix internationale. Mais il faut continuer sur les traces des pionniers qui savaient ce qu'ils faisaient. Alors, nous avons aussi choisi Africanova, Antoine-Marie Luguerignang, qui, après le départ de David, parce qu'à un certain moment, David s'est séparé de l'orchestre Amavano, et c'est Africanova qui a pris la relève comme chef d'orchestre. Il n'est pas resté les bras croisés. Il s'est mis à exploiter la musique traditionnelle burundaise. Il a cherché et il a trouvé des styles. Rugamba guama, karugamba yo. Il a trouvé Munzanire, yo. Munzanire, wemo, wemo, Munzanire, Munzanire, wemo, wemo, Munzanire. Il a trouvé d'autres. Alors, la génération qui est venue après n'a pas su exploiter ce que les pionniers leur ont montré. Alors, comment voulez-vous que la musique burundaise ait une identité? Pour revenir un peu en arrière, l'orchestre Amabano, sous David Nikiza, ils ont participé à un concours qui avait été lancé par Manu Dibango et Radio Nederland. C'est la radio officielle de la Hollande. C'était un concours qu'on appelait le Moulin d'Or, le prix du Moulin d'Or. Alors, Manu Dibango a lancé un petit thème musical dans le monde entier, le monde francophone surtout. Et il a demandé aux orchestres de se baser sur ce petit thème et d'en faire une chanson de 3 minutes. J'étais témoin, hein, parce que nous travaillons à la radio, l'Orchestre National et l'Orchestre Amabano. Ils ont travaillé là-dessus, ils ont développé, ils ont échangé. Ils avaient de l'expérience. Ces musiciens d'Amabano, ils venaient de Nairobi où ils avaient l'habitude de jouer dans les grands hôtels, les grands bals des Blancs. Ils ont travaillé ce petit thème et ont envoyé à Manu Dibango. Il n'a pas tardé de les déclarer gagnants. Amabano a gagné le prix du Moulin d'Or devant tous les pays du monde. Et ils ont fait le voyage en Hollande pour aller récupérer le prix. Alors, David et le groupe Africanova et Chanjo, qui est venu remplacer David par après, ils avaient cette expérience, ils savaient ce qu'ils voulaient faire, ils savaient comment on pouvait prendre la musique burundaise, les chansons burundaises, les moderniser et les faire aimer par les mélomanes internationaux. Alors, à ce moment-là, comment voulez-vous qu'aujourd'hui, on se hasarde, on tape ceci, on joue cela, comment voulez-vous que la musique burundaise ait une identité? Quand Matata est venu sur scène, c'était en 76-77. Il a commencé avec un petit orchestre Narangwa Riva, qui est devenu par la suite Mihigo des Grands Lacs, et puis Mboneza, et puis Africanil Band. Matata voulait faire cette recherche, mais il n'avait pas les moyens. Vous comprenez? Alors, il a commencé avec un reggae. À l'époque, c'était Bob Marley qui était en vogue. Il a chanté à Masakunda, Nabonaneza. Tout le monde a couru derrière lui. Il cherchait aussi un moyen de vivre. Et puis, nous n'avions pas de studio ici au Burundi. Il devrait enregistrer à Kigali, où se trouvaient les premiers studios. Mais aujourd'hui, c'est plein de studios à Bujumbura. Mais j'ai tapé sur la table maintes fois en grondant ceux qui se nomment des producteurs ici dans les studios. Ils ne sont pas producteurs. Bon, producteurs parce qu'ils y mettent de l'argent. Mais ils doivent être arrangeurs, c'est-à-dire avoir appris la science musicale pour savoir arranger une chanson. J'ai même eu des plaintes de la part de plusieurs musiciens qui disaient « Oh, nous allons en studio, on nous fait changer ceci, on nous apporte une musique instrumentale tirée d'Internet, on nous dit de chanter dessus. » Vous voyez, c'est ça qui détruit notre musique dans les studios de Bujumbura. Donc pour vous, ces maisons qui sont censées produire la musique, ils la détruisent. La détruisent et la déforment. Je vous dis, s'ils avaient, je ne sais pas, la vision qu'avaient les premiers musiciens, ils travailleraient là-dessus. J'avais voulu leur faire des ateliers de formation pour leur faire découvrir ceci et cela. Bon, ce sont de bons ingénieurs de son, hein. Là, pas de problème. Qu'ils se nomment ingénieurs de son, vraiment un coup de chapeau. Mais qu'ils se disent arrangeurs, producteurs, oui, parce qu'ils mettent leur argent dedans. Parce qu'en musicologie, en entrepreneuriat musical, le métier de producteur signifie celui qui met son argent pour produire une œuvre, pas celui qui arrange. Mais quand il veut faire les deux, il devient arrangeur pour être orchestrateur, savoir agencer les instruments. Il doit avoir une qualification en musique. C'est ainsi que la musique ne peut pas trouver un refuge dans les studios de Bujumbura. Elle trouverait un refuge d'abord dans une formation, dans un institut de musicologie, et puis aller dans les studios. J'aurais aussi souhaité avoir un producteur burundais qualifié, licencié en musicologie. Je sais qu'il va tout changer dans les studios ici. Vous voyez ? Alors, que les jeunes d'aujourd'hui ne sachent pas où aller, comment travailler, vous comprenez ? Ouais. Ils n'ont pas de guide, ils n'ont pas de modèle à suivre. C'est pour cette raison que je lance ces trois prix. L'Institut de musicologie lance ces trois prix. Alors, ceux qui auront travaillé, fait la recherche, comme David Nikiza, pour promouvoir une musique burundaise pouvant conquérir les marchés internationaux, comme Tambamayaya ou Shorizinyange, celui qui fera mieux que les autres, il va avoir ce prix-là. Deux. Chez Chanjo Amisi, quel est le critère principal que nous considérons ? Le lauréat devra être en mesure de travailler la musique burundaise, mais aussi de la développer, mais en respectant notre expression linguistique. Chanjo est le modèle, vraiment, de l'exploitation de la langue kirundi. Dans toutes ses chansons, la langue kirundi qui est en train d'être bafouée par les jeunes musiciens d'aujourd'hui, c'est pas leur faute, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il y a ceux qui disent que, par exemple, c'est leur façon d'être à la page. Parce qu'en mélangeant les langues, cette musique peut être écoutée en Tanzanie ou au Burundi par quelqu'un qui n'entend pas notre langue. Nous écoutons Manu Dibango dans le Bakosa. Nous écoutons Yusundu dans le Mbalax. Ok ? Et nous aimons leur musique sans comprendre leur langue. J'ai répondu à cette question dans un atelier en 2015. Ce n'est pas mélanger les langues, quoi, qui va leur donner un marché. C'est la qualité de la musique, c'est le travail qu'ils ont fait, parce que les musiques sont écoutées par des oreilles, des gens spécialisés. Et ils passent au tamis pour juger les œuvres musicales. Il y a beaucoup de compétitions, beaucoup de festivals dans le monde entier. Nos musiques ne passent pas. Pourquoi ? Parce que ce sont des copies des musiques étrangères. Ça ne pourra jamais passer. Mais envoyez Tambamayaya de David ou Shorizinyang, ils vont vous dire, mais est-ce qu'on peut acheter les droits pour, vous voyez, travailler ça. Pourquoi vendre les droits hors du Burundi alors que nous avons des musiciens ici qui peuvent le faire s'ils acceptaient d'être formés ? Voilà. Thank you. Kutagira inshuti birababaza birababaza